J'ai le feeling ce soir, c'est chaud, on va balancer les livres Sterling. Maître Oscar Cabo et les gourous de la secte. Les pâtes. Ni podemos. les lions du Rwandaï, les patriarches de Madame Wabana. Qui sont pas 2020 par hasard 2020.